Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 77. De la fraude dans les achats et les ventes. Des prix trop élevés, des défauts qui rendent la vente illicite, de la déclaration des vices, la licité du négoce. 1. Peut-on vendre une chose plus qu'elle ne vaut? Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Matthieu 7, 12. Vous ne voulez pas qu'ils vous vendent une chose au-dessus de sa valeur. Les institutions qui ont pour but un intérêt commun ne devant pas nuire aux uns pour favoriser les autres, les contrats ont nécessairement pour base l'égalité entre le prix et la valeur des choses. Car la quantité même des choses se mesure sur le prix qu'on en donne, c'est ce qui a fait inventer les signes monétaires. Il résulte de là que si le prix excède la valeur des choses, ou la valeur des choses le prix, l'égalité requise par la justice étant détruite, la transaction est injuste. Donc, à considérer les ventes et les achats dans leur nature même, il est illicite de vendre une chose au-dessus de sa valeur ou de l'acheter au-dessous. Quand on envisage le côté accidentel des contrats, en tant que la cession d'une chose tourne au profit de l'un et au désavantage de l'autre, la question prend une nouvelle face. Supposons qu'un acheteur ait grand besoin d'une chose, tandis que le vendeur éprouvera un grave dommage en s'en dépouillant. Celui-ci peut, dans ce cas, en déterminer le juste prix, non seulement par sa valeur réelle, mais par la perte qu'il subira, et la vendre plus qu'elle ne vaut en elle-même, quoiqu'il ne la vende pas plus qu'elle ne vaut pour lui, au lieu que, s'il n'éprouve aucun dommage en la cédant, il ne lui est pas permis, bien que l'acheteur en tire un grand profit, de la vendre au-delà de sa valeur, car cet avantage accidentel provient de la position de l'acheteur dans laquelle il n'est pour rien, nul ne doit vendre ce qui ne lui appartient pas. Note. Ne dites pas que la loi humaine ne punit point ceux qui vendent un objet au-delà de sa valeur, et que par là même elle les approuve. La loi humaine ne punit pas tout ce qui est contraire à la vertu, et elle n'autorise point tout ce qu'elle ne punit pas. D'ailleurs, elle oblige elle-même à la restitution, lorsque l'un des contractants a été trompé pour plus de la moitié du prix. Note. L'article 1674 du Code civil porte que la vente sera rescindible, si le vendeur a été lésé de plus des 7/12 dans le prix d'un immeuble. Fin de la note. Mais la loi divine nous ordonne d'observer dans les ventes et les achats l'égalité prescrite par la justice, et, quand le dommage est notable, elle veut qu'il soit réparé. Je dis quand le dommage est notable, car le prix des choses n'est pas déterminé d'une manière absolue. Il repose sur une sorte d'estimation qui autorise certaines additions ou diminutions légères sans que l'égalité de la justice soit compromise. Note. Tout ce qu'enseigne ici saint Thomas est d'une rigoureuse exactitude, mais il est un point qu'il ne semble pas avoir traité, c'est celui de la convenance naturelle qui résulte de la situation locale. Il est généralement reçu, du moins parmi nous, dit Monseigneur Gousset, que la convenance particulière d'une chose, d'un domaine, pour tel acheteur, en fait hausser le prix, ce qui fait dire, cette chose, cette propriété vaut tant pour un tel, mais elle vaut moins pour un autre. Ainsi nous pensons que l'on ne doit nullement inquiéter celui qui vend une chose au-dessus du prix commun, à raison de la convenance, l'acheteur lui-même s'attend à payer cette convenance, et il ne s'en plaint pas. Le prix des choses dépend principalement de la commune estimation des hommes. Mais il ne faut pas confondre la convenance d'une chose avec la nécessité de l'acheteur, dont le vendeur ne peut se prévaloir pour vendre une chose plus qu'elle ne vaut sans commettre une injustice. Fin de la note. 2. Une vente est-elle illicite à cause des défauts de la chose vendue? Les choses que l'on vend sont susceptibles de trois défauts. Le premier affecte l'espèce elle-même. Le vendeur qui le connaît commet une fraude, et la vente est illicite. Votre argent, disait avec reproche Isaïe, s'est changé en scorie, et votre vin a été mêlé d'eau. Isaïe 1, 22. Le second est dans la quantité ou la mesure. Si, en vendant, je me sers sciemment d'une mesure défectueuse, je commets une fraude, ma vente est illicite. Il est écrit, « Vous n'aurez pas en secret deux poids, l'un plus fort, l'autre plus faible, une mesure plus grande et une plus petite. » Le Seigneur aborde toute injustice. Deutéronome 25, 13. Le troisième est dans la qualité. Si vous donnez sciemment pour saint un animal malade, il y a fraude, et encore ici la vente est illicite. Dans ces divers cas, non seulement on pêche par injustice, mais on est tenu à la restitution. Si le vendeur ignore ses défauts, il est exempt de péché, sans être dispensé de réparer son injustice matérielle. L'acheteur, pareillement, qui recevrait avec connaissance un objet à la place d'un autre moins précieux, par exemple, de l'or vrai pour de l'or faux, commettrait une injustice et serait tenu à la restitution. Note. On conçoit que les mesures doivent varier selon les lieux, à raison de l'abondance plus ou moins grande des choses appropriées à nos usages, elles sont déterminées, dans chaque pays, par l'autorité publique ou par la coutume. Il n'est pas permis de s'en écarter. Remarquons que le prix des objets ne se fonde pas précisément sur l'excellence de leur nature ni sur leurs qualités intrinsèques et occultes, mais sur les qualités relatives à l'usage qu'on en veut faire. S'agit-il d'un cheval, par exemple, il suffit de savoir s'il est fort et s'il marche bien. Il est facile de s'en assurer. Fin de la note. 3. Le vendeur est-il tenu de déclarer le vice de la chose qu'il vend? Vendez-vous un objet dont le vice causera à l'acheteur un dommage ou un danger? Un dommage, parce que ce vice en diminue naturellement la valeur, un danger, lorsqu'il rend l'usage difficile ou périlleux, vous lui occasionnez une perte. C'est pourquoi, si ce vice est caché et que vous ne le déclariez pas, votre vente est frauduleuse, et vous êtes tenu de réparer le dommage. Mais, du moment que le vice est apparent, comme dans le cas d'un cheval borgne, ou que la chose vendue, quoique non convenable pour l'acheteur, peut servir à d'autres, vous n'êtes pas tenu à le déclarer. Pourvu que vous abaissiez suffisamment le prix. 4. Est-il permis de faire le négoce? Avide de gain, répond saint Augustin, le marchand blasphème quand il perd, ment sur les prix et se parjure, mais ce sont là les vices de l'homme, sans être ceux du commerce lui-même. Le négociant proprement dit, faisant des échanges de marchandises pour d'autres marchandises ou pour de l'argent, achète les choses pour les vendre avec profit, non dans le but de subvenir aux besoins nécessaires d'une maison ou d'une communauté, mais avec l'intention de gagner. Si l'on considère que le négoce, ainsi compris, n'est qu'un aliment pour la cupidité, laquelle est infinie dans ses convoitises, on conviendra qu'il a en soi quelque chose de vil. Il plonge l'esprit humain dans les soins et les inquiétudes du siècle, et fait souvent perdre de vue les biens spirituels. Convenons cependant, que, Si le gain poursuivi par le négociant n'a pas de lui-même une fin honnête ou nécessaire, il n'a rien non plus d'essentiellement vicieux. Le négoce, par conséquent, peut être rapporté à un but légitime, tel que le bien public, le soutien d'une famille, le soulagement des pauvres, et, dans ces conditions, il n'a rien de blâmable. Note. Quoique le commerce puisse être rapporté à une fin légitime et honnête, le clergé doit s'en abstenir, soit parce qu'il a pour objet un gain temporel, soit à cause des péchés qu'il occasionne et des sollicitudes où il plonge l'esprit. Celui qui s'engage au service de Dieu, dit l'apôtre, ne doit pas s'embarrasser dans les affaires du siècle. 2 Timothée 2, 4. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.